Emlis par Bret Harte. Chapitre 1er. À l'endroit où la Sierra Nevada commence à s'abaisser en ondulations plus douces, où les rivières deviennent moins rapides et moins jaunes, sur la pente d'une grande montagne rouge, se dresse Smith's Pocket, la poche de Smith. Vue de la route rougeâtre au coucher du soleil, à travers la rouge lumière et la poussière rouge, ces maisons blanches ressemblent aux affleurements de quartz qui tachent le flanc de la montagne. On perd de vue la diligence rouge, couronnée de voyageurs à chemise rouge, une demi-douzaine de fois durant la descente tortueuse. Après les détours les plus imprévus, elle disparaît tout à fait à 200 pas de la ville. Ce brusque crochet de la route est cause sans doute que l'arrivée d'un étranger à Smith's Pocket donne lieu ordinairement à une erreur assez plaisante. En descendant au bureau des diligences, le voyageur, trop sûr de lui, sort volontiers de la ville, sous l'impression trompeuse qu'elle s'élève dans une toute autre direction. L'on raconte qu'un de ces voyageurs présomptueux fut rencontré par des mineurs à 2 milles de Smith's Pocket, chargé de son sac de nuit, de son parapluie, d'un recueil littéraire et d'autres signes évidents de raffinement de la civilisation, s'évertuant en vain sur la route même qu'il venait de parcourir à chercher la colonie. Un observateur eut trouvé du reste quelques compensations à son désappointement dans l'aspect fantastique du pays. Les vastes fissures qui entr'ouvrent le sol et les déplacements de terre rouge ressemblent plus au chaos d'un soulèvement de l'époque primitive qu'à l'œuvre des hommes, tandis qu'à mi-chemin de la descente, la longue passerelle d'un bief écarte au-dessus du gouffre les jambes disproportionnées qui soutiennent son corps étroit, pareil à l'énorme fossile d'un antédiluvien oublié. À chaque pas, des canaux plus petits traversent la route, cachant dans leur profondeur des ruisseaux qui vont s'unir clandestinement aux grands torrents dont les flots jaunis roulent plus bas. Çà et là, gisent les ruines de quelques cabanes avec la cheminée seule debout, l'âtre à ciel ouvert. La colonie de Smith's Pocket doit son origine à la découverte d'une poche en cet endroit par un certain Smith. 5 000 $ furent tirés de cette poche en une demi-heure par Smith, 3 000 $ consacrés à la construction de l'aqueduc et des tunnels. Enfin, on découvrit que la poche de Smith était sujette comme d'autres poches à se vider. Smith eut beau fouiller les entrailles de la montagne rouge, ses 5 000 $ furent la première et la dernière récompense de son travail. La montagne devint avare de ses secrets d'or et le bief engloutit le reste de la fortune de Smith. Alors Smith se livra dans les mines et dans les moulins à l'exploitation du quartz, puis à des travaux hydrauliques et de lavage, puis par degrés à la débauche. Bientôt, on se dit à l'oreille que Smith buvait beaucoup. Peu à peu, le bruit se répandit que Smith était un ivrogne de profession, et les gens jugèrent, comme il arrive souvent, qu'il n'avait jamais été autre chose. Heureusement, l'avenir de Smith's Pocket, non plus que celui de la plupart des découvertes, ne dépendait de la fortune d'un pionnier. D'autres creusèrent des puits et trouvèrent des poches, de sorte que Smith's Pocket devint un établissement important avec ses 2 magasins de fantaisie, ses 2 hôtels, son bureau des dépêches et ses 2 premières familles. De temps à autre, l'unique et longue rue était intimidée par l'apparition des dernières modes de San Francisco importées pour l'usage exclusif des premières familles. Ces chiffons élégants ajoutaient encore par le contraste à l'aspect misérable, ridé, nu, de la nature outragée, n'humiliant pas moins la majeure partie d'une population à qui le dimanche n'apporte que du linge propre, sans aucun ornement superflu. Il y avait encore une église méthodiste et tout près de la banque, un peu plus loin en descendant, le cimetière, enfin la petite école. Le maître, son petit troupeau ne le connaissait que sous ce nom, était assis seul un soir dans l'école, traçant avec soin sur quelques cahiers ouverts devant lui ses exemples qui passent pour être le dernier mot de la perfection calligraphique et morale. Il venait d'écrire « Les richesses sont trompeuses » et il enjolivait le substantif avec des artifices de fleurons qui étaient tout à fait dans l'esprit de son texte quand on frappa doucement. L'épivère avait travaillé sur le toit toute la journée sans que leur bruit le dérangeât de sa tâche, mais il leva la tête lorsque la porte s'ouvrit après 2 petits coups répétés et l'apparition d'une jeune fille misérablement vêtue le fit tressaillir. Ses grands yeux noirs, ses cheveux que le peigne semblait n'avoir jamais lustrés et qui tombaient en désordre sur un visage brûlé par le soleil, ses bras et ses pieds poudrés de terre rouge, lui étaient cependant familiers. C'était Mélie Smith, la fille sans mère de Smith. Que peut-elle me vouloir ? Pensa le maître. Chacun connaissait Emlis. Comme on l'appelait, sur toute la hauteur et dans toute la largeur de la montagne rouge, chacun la connaissait pour une fille incorrigible. Sa nature fougueuse et rebelle, ses folles équipées, sa haine de toute loi, étaient proverbiales comme les faiblesses de son père et acceptées tout aussi philosophiquement par les gens de la ville. Elle échangeait avec les garçons qui fréquentaient l'école des invectives, des horions, et si elle avait la langue plus prompte, elle avait le bras aussi solide qu'aucun de ses antagonistes. Elle suivait les pistes avec la sagacité d'un chasseur, et le maître l'avait déjà rencontré à plusieurs milles de distance, sans bas ni souliers, tête nue, sur le chemin de la montagne. Les camps de mineurs, échelonnés le long du torrent, lui fournissaient sa subsistance en aumônes libéralement offertes durant ses pèlerinages volontaires. Il n'avait tenu qu'à elle d'être l'objet d'une plus haute protection. Le révérend Josué Max Nagley, prédicateur en titre, l'avait placée à l'hôtel comme servante dans l'espoir de la civiliser un peu et l'avait présentée à ses élèves de l'école du dimanche. Mais, non content de jeter à l'occasion les assiettes à la tête de son patron et de riposter vertement aux facéties des hôtes, elle produisit à l'école du dimanche un effet si incompatible avec la morne placidité de cette institution que, par déférence pour les robes empesées et l'irréprochable moralité des deux enfants roses et blancs des premières familles, le révérend dut l'expulser ignominieusement. Tels étaient les antécédents et la réputation de Emlis lorsqu'elle apparut à l'école. Il se trahissait dans ses haillons, sa chevelure inculte et ses pieds saignants qui émurent la pitié du maître. Ils éclataient dans ses yeux noirs, dont le regard intrépide lui imposa. « Je suis venue ce soir, » dit-elle rapidement et avec hardiesse, son regard dur fixé sur le sien, « parce que je savais que vous étiez seul. Je ne viendrai pas à l'heure où les filles sont ici, je les hais, et elles me haïssent. Voilà. Vous faites l'école, n'est-ce pas ? Je veux apprendre. » Si à la pauvreté de ses habits et à l'inconvenance de ses cheveux emmêlés, de son visage malpropre, elle eût ajouté l'humilité des larmes, le maître aurait étendu jusqu'à elle un sentiment banal de pitié. Mais avec l'instinct inné, bien qu'illogique, de l'espèce humaine, à sa hardiesse, il répondit par une sorte de respect que toutes les natures originales s'accordent mutuellement sans en avoir conscience lorsqu'elles sont en contact. Il la contempla donc avec attention, tandis qu'elle continuait avec volubilité, la main sur le loquet de la porte, les yeux sur les siens. « Mon nom est Emlis. Emlis Smith. Vous pouvez parier votre vie là-dessus. Mon père est le vieux Smith, le vieux Bummer Smith. Voilà ce qu'il est. Je suis Emlis et je viens à l'école. »« Eh bien ?» dit le maître. Elle était accoutumée à la contradiction et à la résistance, injuste même et cruelle, car on s'amusait souvent à exciter sa colère et ses emportements. Le calme du maître fut donc pour elle une surprise. S'arrêtant tout à coup, la sauvage créature commença à interdire à tordre une mèche de cheveux entre ses doigts. La ligne rigide de la lèvre supérieure, crispée sur ses petites dents féroces, se détendit et trembla légèrement. Les paupières se baissèrent, et quelque chose comme une rougeur lutta sur sa joue contre les éclaboussures de terre plus rouges encore et contre le hâle. Soudain, elle se jeta en avant, criant à Dieu de la tuer, et vint tomber le visage sur le pupitre du maître, pleurant, sanglotant, comme si son cœur eût voulu se briser. Il la releva doucement et attendit que le paroxysme fût passé. Tandis que, détournant toujours la tête, elle répétait entre ses sanglots le mea culpa du repentir enfantin, qu'elle ne l'avait pas fait exprès, qu'elle ne le ferait plus, qu'elle serait sage. Il vint à l'esprit du maître de lui demander pourquoi elle avait quitté l'école du dimanche. Pourquoi ? Oh oui ! Mais pourquoi aussi lui avait-il dit, il, c'était Max Nagley, qu'elle était mauvaise et que Dieu la haïssait ? Qu'aurait-elle été faire à l'école du dimanche ? Elle ne se souciait de rien devoir à personne qui l'eût en grippe. Avait-elle dit ceci à Max Nagley ? Oui. Le maître se mit à rire. Ce rire franc avait des échos si étranges dans la petite maison d'école. Il était en tel désaccord avec les gémissements des pins au dehors que bien vite il s'arrêta en soupirant. Et ce soupir aussi partait du cœur. Après un moment de silence sérieux, il lui parla de son père. Son père, quel père ? Le père de qui ? Qu'avait-il jamais fait pour elle ? Pourquoi les autres filles la méprisaient-elles ? Qu'est-ce qui faisait dire aux gens la Emlis du vieux Bummer Smith quand elle passait ? Oui, oh oui, elle voudrait être morte, que tout le monde fût mort. Et ses sanglots recommençaient. Le maître, penché sur elle, lui dit, aussi bien qu'il put, « Tout ce que nous aurions pu dire, vous ou moi, après avoir entendu des théories contre nature sortir d'une bouche d'enfant, mais en tenant compte, mieux que vous et moi peut-être, de ses guenilles, de ses pieds ensanglantés, de l'ombre omniprésente du père ivrogne, qui était non moins contre nature. » Puis il la mit debout, il l'enveloppa d'un châle qu'il avait, et la reconduisit, l'engageant à revenir le lendemain. Sur la route, il lui souhaita une bonne nuit. La lune éclairait brillamment les trois sentiers qu'elle devait prendre. Il resta quelque temps à suivre des yeux la petite forme brisée qui se traînait en chancelant. Il attendit jusqu'à ce qu'elle eût dépassé le cimetière et atteint la courbe du chemin où, se tournant de son côté, elle se tint une minute immobile comme un atome de souffrance sous les lointaines et patientes étoiles. Alors, il alla reprendre sa tâche. Mais les lignes du cahier se déroulaient en longues perspectives de routes sans fin, où des figures d'enfants semblaient passer en pleurant dans la nuit. La petite maison d'école lui parut plus solitaire qu'auparavant. Il ferma la porte et retourna chez lui. Le lendemain matin, Emlis vint à l'école. Sa figure avait été lavée. L'état de sa chevelure révélait des luttes récentes contre le peigne, où peigner cheveux avait évidemment souffert. Le regard de défi étincelait encore de temps à autre, mais elle était déjà comme apprivoisée. Alors commencèrent une série de petites épreuves et de petits sacrifices auxquels maître et élève eurent part égale, ce qui augmenta entre eux la confiance et la sympathie. Bien que toujours obéissante sous les yeux du maître et parfois même traitable durant les récréations, Miss, quand on la contrariait ou qu'elle se croyait offensée, retombait dans ses exaspérations indomptables et plus d'un jeune sauvage, trouvant en elle à qui parler, allait ensuite, l'habillant en loque, la figure égratignée, se plaindre au maître de la terrible Emlis. L'événement de son entrée à l'école divisa les gens de la ville. Quelques-uns menaçaient d'enlever leurs enfants à si mauvaise compagnie, d'autres soutenaient le maître dans son œuvre de régénération. Cependant, avec une persistance et une fermeté qui l'étonnèrent lui-même, quand plus tard il s'en souvint, le maître fit peu à peu sortir Emlis des ténèbres de sa vie passée. Comme si elle eût eu tout naturellement avancé sur le sentier étroit où il l'avait laissée au clair de la lune le soir de leur première entrevue. Se rappelant l'expérience de l'évangélique Max Nagley, il évita soigneusement l'écueil contre lequel sa foi naissante avait fait naufrage par la faute d'un pilote maladroit. Si, dans le cours d'une lecture, elle tombait sur les paroles qui ont élevé ses pareils au-dessus des plus mûrs, des plus sages et des plus prudents, si elle apprenait quelque chose d'une religion qui est symbolisée par la souffrance, et que l'ancienne flamme de mauvais augure s'adoucit dans ses yeux, ce n'était jamais sous forme de leçon que la vérité lui était présentée. Quelques-uns des colons parmi les plus humbles avaient rassemblé une petite somme qui permit à Emlis la déguenillée de porter désormais les habits d'un être décent et civilisé, et souvent un rude serrement de main, un mot d'approbation de la part de quelque ouvrier à chemise de laine, faisait monter une rougeur vive au visage du jeune maître qui se demandait s'il méritait bien ces témoignages d'estime. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'époque de leur première rencontre, et le maître travaillait tard un soir à ses sentencieux exemples, quand Emlis frappa de nouveau à la porte. Elle était convenablement vêtue, elle avait le visage propre, et sauf les longs cheveux et les brillants yeux noirs, il ne restait plus rien peut-être qui rappelât sa première apparition. « Êtes-vous occupé ? » demanda-t-elle. « Pouvez-vous venir avec moi ?» Sur sa réponse affirmative, elle ajouta, du ton impérieux d'autrefois, « Venez vite alors !» Ils sortirent ensemble dans l'obscurité. Comme ils atteignaient la ville, le maître lui demanda où elle allait. « Voir mon père, » répondit-elle. C'était la première fois qu'il l'entendait lui donner ce nom filial ou même l'appeler autrement que le vieux Smith, ou plus brièvement le vieux. C'était la première fois depuis 3 mois qu'elle en eût parlé seulement. Et le maître savait qu'elle s'était tenue éloignée de son père depuis son grand changement. Comprenant, d'après le ton de sa réponse, qu'il serait inutile de la questionner davantage, il la suivit passivement. Dans les lieux écartés, dans des cabarets, des tripots, des salles de danse, le maître entra, précédé par Emlis, pour sortir aussitôt avec elle. Au milieu de la fumée de tabac, du tumulte et des blasphèmes de ses bouges, l'enfant, tenant la main du maître, semblait chercher quelque chose, indifférent à tout, sauf à l'objet de sa préoccupation. Plusieurs des débauchés qui se trouvaient là, reconnaissant Emlis, l'appelèrent pour chanter et danser avec eux. Ils l'eussent forcé à boire sans l'intervention du maître. d'autres, reconnaissant ce dernier, lui livraient passage en silence. Une heure fut employée ainsi. Alors l'enfant dit à l'oreille de son compagnon qu'il y avait une cabane de l'autre côté du cours d'eau que traversait la passerelle, où elle pensait le trouver encore. En une demi-heure de marche laborieuse, ils s'y rendirent, mais inutilement. Ils retournaient le long du canal et se trouvaient près de la culée du Bief, regardant les lumières sur la berge opposée, lorsqu'une détonation éclata tout à coup dans l'air pur de la nuit. Les échos s'en emparèrent, lui firent faire tout le tour de la montagne rouge, et les chiens se mirent aussitôt à aboyer de toutes parts. Des lumières parurent danser et voltiger pendant quelques secondes dans les faubourgs de la ville. Cependant, ils entendaient distinctement le murmure du cours d'eau à leur côté et le clapotement de quelques pierres détachées du flanc de la montagne. Les branches des cyprès s'entrechoquèrent, poussées par un vent lourd, les unes contre les autres, puis le silence se rétablit plus profond, plus morne, plus funèbre. Avec un mouvement involontaire de protection, le maître se tourna vers Emlis, mais l'enfant avait disparu. Oppressé par une terreur étrange, il courut sur ses pas jusqu'au lit du ruisseau et, sautant de galet en galet, atteignit le pied de la montagne rouge et les faubourgs. À mi-chemin du Rohr, il leva les yeux et la respiration lui manqua, car au-dessus de lui, sur l'étroite passerelle, il avait vu la forme aérienne de sa petite compagne glisser comme une flèche dans les ténèbres. Il gravit la berge et, guidé par les lumières qui s'étaient groupées sur un point fixe de la montagne, se trouva bientôt tout haletant au milieu d'une foule de gens pétrifiés d'horreur. Parmi eux était l'enfant. Elle sortit du groupe, prit la main du maître et le conduisit en silence devant ce qui semblait être un trou béant dans la montagne. Elle était mortellement pâle, mais son excitation s'était apaisée et son regard disait que l'événement depuis longtemps prévu était arrivé. Il y brillait je ne sais quoi qui parut au maître stupéfait être presque du soulagement. Les murs de la caverne étaient en partie étayés par des pièces de bois vermoulu. L'enfant montra du doigt un tas de haillons qui semblaient avoir été laissés dans cet abri par le dernier occupant. Le maître s'approcha, fit du feu et, courbé sur les vieux vêtements, vit qu'il n'était autre que Smith lui-même, déjà froid, un pistolet à la main, une balle dans le cœur, gisant auprès de sa poche vide.